Léonard de Vinci rencontre les philosophes, aujourd'hui la Sainte Anne. Le mystère de la vie est un thème cher à Léonard de Vinci et son tableau intitulé « Vierge à l'enfant avec Sainte Anne » en est une des illustrations. Mystère de la vie du Christ, bien sûr, qui, sur la toile, est ce petit enfant qui joue à terre avec un agneau. Mais mystère de la vie humaine en général, sa continuation biologique et sa manifestation anatomique, autant de détails présents dans ce tableau. Mais le mystère de la vie, c'est d'abord celui de la vie de Léonard de Vinci. Tout doux, Nicolosa. Mais nous risquons d'arriver en retard. Tiens, Nanni Di Vanzo, que faites-vous ici? Je suis invité au baptême. Même pas le temps de soigner la rouquine. La rouquine? Ma vache. Vous êtes drôle. Si vous avez tant de travail, pourquoi êtes-vous venu? Ser Antonio lui-même me l'a demandé. Pour rien au monde, je ne voudrais contrarier un Da Vinci. Ces gens-là se donnent beaucoup d'importance. Ils font pire que les autres. Que racontez-vous? Ser Antonio bâtit son petit-fils. Oui. Son petit-fils, je veux bien l'admettre. Mais... On dit que l'enfant est très beau. Oh, une pure merveille. Il a les yeux grands ouverts. Regarde déjà autour de lui. Il a l'air de sourire. Pas normal, ce petit. Pas normal. Si vous voyez ses cuisses et ses bras. Mais vous en savez des choses. Vous avez assisté à l'accouchement, peut-être. Et que je suis sot, j'avais oublié, Nicolosa, qu'à vos mamans perdues, vous êtes sage-femme. Il est né en cachette, comme s'il était un fils du diable. On nous a appelés après pour faire sa toilette et le langer. Et sa mère? Ni vue, ni connue. Mais comment? N'est-elle pas la femme de Ser Piero? Oh, la femme! On raconte qu'il s'agit d'une courtisane que Ser Piero aurait ramenée de France. Il serait reparti aussitôt après l'accouchement. Le grand-père lui a donné une grosse somme pour éviter le scandale. Ou peut-être ce baladin de Ser Piero a engrossé une paysanne de la ferme, une certaine Catherine. Et alors, le petit qu'emporte sur les fonds est un bâtard. Ah, je ne peux pas y croire. Un bâtard dans la famille de Vinci. Mon pauvre Nanni, on dirait que vous venez de naître. Silence. Entrons dans l'église. Bonjour Jacques Derrida. Bonjour. Bienvenue dans l'église, le temple Vinci. Hein, ce studio est cette semaine entièrement dédié à Léonard de Vinci. Vous avez enseigné la philosophie en classe préparatoire au lycée Henri IV, puis à la Sorbonne, Jacques Derrida. Vous êtes l'auteur du site jdarrida.net, dans lequel on trouve la plupart des cours que vous avez écrits, que vous écrivez encore depuis 2007, et on trouve des lignes magnifiques sur Léonard de Vinci, dont nous allons parler aujourd'hui. D'abord un mot sur l'homme avant de parler de l'œuvre. Vous l'avez entendu, c'était un extrait d'une fiction réalisée par France Culture en 1987. On sent la gourmandise autour du mystère de Vinci. En fait, Vinci aurait été un bâtard. Est-ce que pour vous, les éléments biographiques concernant Vinci sont importants pour comprendre son œuvre? Écoutez, je crois qu'en général, il ne faut pas chercher dans la vie la clé de l'intelligence de l'œuvre. Mais qu'en revanche, quand on a entendu une œuvre, alors à ce moment-là, on peut lire la vie et on la comprend mieux. Oui, Léonard est un bâtard, enfin du moins son père, Piero da Vinci, n'a pas épousé cette paysanne, Caterina, mais on ne peut rien en déduire, ou pas grand-chose, parce que il a épousé une autre femme, dont j'ai oublié le nom, mais je crois que Léonard était admis dans la famille, comme Caterina, c'était pas du tout une exclusion. Le père l'a conduit ensuite dans l'atelier de Verrocchio, très tôt, parce qu'il était, comme vous pouvez facilement l'imaginer, assez doué pour le dessin, et il s'est occupé de son fils. Des bâtards, il y en avait quand même beaucoup à l'époque, d'ailleurs à l'époque était toujours, et je crois pas qu'il faut prendre encore une fois la biographie comme une clé pour comprendre l'œuvre, mais plutôt si on veut chercher qu'est-ce que le lien à la paternité ou à la maternité, qui est certainement beaucoup plus important chez Léonard, mieux vaut regarder les tableaux que de consulter les rares documents sur sa vie. Quand on vous a proposé de participer à cette série d'émissions, en vous demandant, en vous invitant à choisir choisir l'œuvre de votre choix, vous avez immédiatement répondu avec de la joie dans la voix « Je veux parler de la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne ». Pourquoi un tel enthousiasme pour cette œuvre ? D'abord, je réponds toujours avec enthousiasme, ça, c'est vrai. Ma chère Adèle, quand vous me proposez une émission. Et alors, pourquoi cette œuvre ? C'est qu'elle est extraordinairement riche. Elle est, il y a beaucoup d'ambiguïté, mais le charme des tableaux de Léonard, c'est bien souvent leur ambivalence. Il y a eu une querelle entre les historiens d'art et un essai de Freud sur ce tableau. Nous avons à notre disposition un carton, une esquisse qui se trouve à Londres et qui nous permet de comprendre la première composition de ce tableau qui a évolué. Les formes chez Léonard sont en perpétuelle évolution et on peut dire que Léonard ne finit jamais un tableau. C'est Valérie qui demandait quand un tableau est-il fini. Ben, il est jamais fini en fait. Si, il est fini. Il y a des moments, il faut savoir, c'était une mode à l'époque, c'était le style non finito, on disait. C'est-à-dire que pour finir un tableau, il faut savoir ne pas le finir. Sinon, on dissipe le charme du tableau. Par exemple, sur la Pietà de Michel-Ange, après la mort de Michel-Ange, un disciple de Michel-Ange a voulu finir un ange et l'a figé, alors qu'il était vivant dans son inachèvement même. Donc les tableaux de Léonard sont pas finis. Et alors c'est le cas de la Sainte Anne. Et quand Léonard est à Amboise, dans les dernières années de sa vie, sous la protection du roi de France François Ier, eh bien il a trois tableaux avec lui qu'il a continué à peindre toute sa vie et qui sont la Joconde, la Sainte Anne et le Jean-Baptiste du Louvre. Trois tableaux du Louvre, puisque il est en France et le roi de France va bien sûr rafler tout ce qui se trouve dans l'atelier, ou plutôt c'est Salaï, le l'aide de Léonard qui communiquera ses tableaux à François Ier. Donc trois tableaux qu'il n'a jamais cessé de perfectionner, qui sont des sortes d'encyclopédies de sa vision du monde, de sa vision de la vie. Ce sont des tableaux considérables. C'est très étonnant pour la Joconde, c'est un portrait, donc c'est un tableau commandé. En général, on le donne au commanditaire. Il garde ce tableau pour lui. Il ne cesse de refaire ce paysage, de remodeler le visage. Et même chose pour la Sainte Anne, qui d'ailleurs n'est peut-être pas tout à fait finie. On sait pas, la rivière en bas, décrivons ce tableau pour ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux ou qui ne l'auraient pas en tête. Déjà, on va dire la Sainte Anne, le titre exact, c'est Vierge à l'enfant avec Sainte Anne, ce qui d'ailleurs donne le nom des trois personnages que nous voyons. Nous voyons une femme assise, une autre sur ses genoux qui prend dans ses bras un petit enfant qui lui-même tient dans ses bras un petit agneau. Au fond, un paysage montagneux qui rappelle celui de la Joconde, pour ceux qui l'ont en tête, ces fameuses montagnes qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans le travail de Vinci. Absolument. Tout le monde se tient, enfin il y a un rocher, enfin un sol rocailleux qui est au premier plan, et puis un arbre qui se tient sur la droite. On voit que l'essentiel se passe dans le regard que s'échangent ces protagonistes. Oui. Ça c'était pour la description naïve du tableau, je vous laisse le faire en termes plus érudits. Mais non, vous l'avez très bien décrit. Maintenant, si l'érudition est dire le sens, ça sera difficile. Mais ce qu'il faut dire, je crois, en premier lieu, c'est que c'est un motif iconographique qui apparaît à la fin du XVe siècle en Italie et particulièrement à Florence. Et le premier carton de Léonard pour ce tableau a été fait à Florence parce que Sainte Anne est la protectrice de Florence, est une des protectrices de Florence, avec David, bien sûr. Donc, ce tableau se réfère à une réflexion théologique qui est celle de l'Immaculée Conception, qui est certainement au cœur de l'imaginaire ou de la poétique léonardienne, puisque la Vierge au Rocher du Louvre a été faite pour une chapelle qui était dédiée à l'Immaculée Conception également. Et cette thèse de l'Immaculée Conception, elle va faire intervenir Anne dans une autre version de la Trinité, en fait. Il y a deux Trinités. Il y a la Trinité spirituelle, qu'on dit divinissima, la plus divine. Bien sûr, c'est le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, il y a une Trinité plus humaine, qui est Anne, la Vierge et l'enfant. On l'appelle la Trinitas Humanissima, la plus humaine des Trinités. Et ce qui est étonnant, d'un point de vue théologique, dans cette composition, c'est que Sainte Anne entre dans le couple absolument saint et adoré par l'art chrétien depuis le commencement, à savoir la Vierge et l'enfant, et elle forme un trio à ce couple de toujours, qui était la Vierge à l'enfant, c'est ce qui est proposé à l'adoration des mages. Pourquoi ? Parce que la Vierge, pour enfanter l'enfant, c'est-à-dire pour commencer le règne de la grâce et sortir du règne de la loi, doit avoir été doit être sans péché. Elle n'a pas besoin du baptême. Elle est déjà dans l'ère de la grâce, c'est-à-dire que la souillure a été rachetée. Mais Sainte Anne, elle, appartient à l'ère de la loi avant, où il n'y avait pas de baptême, où la faute n'est pas rachetée, où le salut dépendait de la soumission à la loi, et non pas de la grâce de la conversion, de la, que rend possible le baptême. Et par conséquent, elle était exclue de cette ère de la grâce. Et comme, quand une ère commence, il est toujours difficile, quand il y a une rupture, si vous voulez, il est toujours difficile de penser cette rupture soudaine, on cherche toujours une origine et une origine de l'origine. Si la Vierge est née sans péché, c'est donc que Sainte Anne l'a conçue sans péché. Et les théologiens racontaient que lorsque Joachim apprend par l'ange que sa femme, qui a passé l'âge, va avoir un enfant, il descend à la ville, il la rencontre à la Porte Dorée, c'est une scène que peignent les peintres, Giotto par exemple, dans la chapelle de Padoue, et au moment où il l'embrasse, eh bien, Anne est conçue. Donc à ce moment-là, Anne appartient au mystère de l'Immaculée Conception. C'est elle l'Immaculée Conception. Mais d'ailleurs, dans le tableau, on a l'impression que les deux femmes ont un seul et même corps. Absolument. Mais alors là, c'est un thème, ce que vous dites là, qu'avait bien souligné Freud, il parle d'une fusion de deux corps, et c'est encore plus sensible peut-être dans le carton du Londres. Qui est donc le carton, c'est le dessin qui précède le tableau. Exactement. Le carton est de 1500-1501, et ça, ce tableau, je vous dis, il doit commencer en 1499, il expose le carton à Florence, le carton de Londres, et tous les Florentins passent pendant deux jours devant ce tableau et l'admirent, c'est du moins ce que nous raconte Vasari, et puis ensuite il continue, il va changer, on parlera peut-être des modifications entre le carton et ce tableau. Ce tableau est le fruit tardif d'une longue méditation sur la généalogie de Jésus, pour ainsi dire, en remontant la grand-mère, la mère et l'enfant, qui a occupé Léonard jusqu'à la fin de ses jours, pratiquement, enfin, les trois dernières années, il faisait plus rien, mais bon. Les deux silhouettes sont fusionnelles. Et non seulement, parce que il y a aussi le motif des drapés qui donne une sorte de tourbillon presque liquide, fluide au corps, et qui permettent davantage au corps de se mêler. Dans le carton de Londres, donc la première esquisse de ce tableau, là vraiment, on a l'impression d'un tronc commun duquel se détachent deux visages, à savoir celui d'Anne et celui de la Vierge, qui se regardent, qui se font face, un peu comme un visage et son double dans un miroir, et c'est un thème capital chez Léonard, et effectivement c'est un être biface, enfin à double face, à double visage, et un tronc commun. Et même dans le tableau de Sainte-Anne, le tableau du Louvre, il y a encore cette confusion de corps multiples. Et quand on regarde les dessins, mais tout le monde connaît l'homme vitruvien de Léonard. Dites-nous. Vous savez, c'est ce dessin d'un homme dans un cercle, bon, qui était le logo d'un marchand d'esclaves, il n'y a pas longtemps. Jambes écartées, les bras écartés à la perpendiculaire, oui. Avec traçant un cercle autour de chacun des membres pour montrer la justesse des proportions. Il y a deux positions dans un même corps. Et on trouve beaucoup de dessins de nus chez Léonard où le même corps fait plusieurs positions, se déploie. Donc on a l'impression d'un être à plusieurs troncs, à plusieurs têtes. Et en fait, c'est un jeu de variations. Quand Léonard conçoit une œuvre, il commence par faire un espèce de gribouillis informe. Il appelait ça « componimento inculto », c'est-à-dire une composition brute. C'est une espèce de matrice informe de laquelle va naître le sujet. Et il ne part jamais de l'idée claire, raison pour laquelle, entre autres, il n'est pas du tout platonicien, comme on le croit d'abord, mais il parle plutôt d'une forme en puissance, comme une sorte de matrice. Pensez au dessin extraordinaire de l'embryon dans les dessins anatomiques, premier dessin d'un embryon dans l'histoire du dessin anatomique. Donc il est, mais son dessin lui-même est embryonnaire et peu à peu, alors il joue avec une même figure peut avoir plusieurs têtes, il change les positions, il change les bras pour les sculptures aussi. Et c'est bien qu'on a l'impression d'une forme mobile qui peu à peu va se fixer dans ce qui sera la solution à ses yeux la plus intéressante. Alors ça veut dire que vous avez d'abord insisté sur la dimension théologique du tableau et là vous insistez sur la technique. Ça veut dire que le souci premier de Vinci lorsqu'il réalise ce tableau n'est pas religieux. Et ça, il faut le dire quand même, parce que par rapport à d'autres de ses contemporains, même à Michel-Ange, la théologie, la religion, c'est pas son souci principal, et on trouve très peu de références à la religion dans ce carnet. Oui. Faut soulever malgré le sujet religieux. Dans la seconde édition des Vies de Vasari, qui est un texte qui paraît au milieu du XVIe siècle, dans laquelle c'est une source de documentation considérable encore aujourd'hui pour la biographie des peintres, eh bien, dans la seconde édition, Vasari ajoute, alors je ne connais pas la formule exactement mot à mot, mais il dit il avait une religion hérétique qui faisait qu'il ne dépendait d'aucune église. Et il ajoute, pour lui, pour Léonard, il mettait la connaissance scientifique au-dessus de la foi. Bon, alors cette religion hérétique, on peut s'interroger sur elle. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est une chose qu'on n'entend pas souvent, que Michel-Ange est profondément religieux. Et les dernières, la Pietà de Michel-Ange, les dernières œuvres de Michel-Ange sont même d'un christianisme pathétique et très fort. Alors que, à mon sens, Léonard est un religieux païen, si vous voulez. Mais on peut dire que ce mélange entre le christianisme et le paganisme caractérise la seconde moitié du XVe siècle, alors que Michel-Ange, lui, entre beaucoup plus profond dans le XVIe siècle, c'est-à-dire dans le siècle du schisme protestant, des guerres de religion, où la religion va devenir une inquiétude fondamentale. Et oui, je crois, pour revenir à la Sainte-Anne, que ce tableau, certes, a un fondement théologique, que... Je voudrais ajouter un petit point, si je peux, sur le point théologique. Ensuite, on verra en quel sens il est aussi païen. Mais il a un fondement théologique, dans la mesure où, donc c'est Anna Meterza, en italien. On dit Anne Trinitaire, en français. Meterza, ça veut dire, c'est moi la troisième. Bon, moi aussi, j'ai droit de figurer sur la photo. Et l'idée du tableau de Léonard, et qui était une idée qui avait été comprise par les contemporains de Léonard, puisqu'on a une lettre d'un envoyé, de quelqu'un qui connaissait bien la peinture et qui explique le sens théologique du tableau, c'est que l'enfant se baisse vers l'agneau, c'est-à-dire vers le sacrifice, c'est-à-dire vers la croix. C'est l'agneau mystique, c'est pas l'agneau pascal de l'Ancien Testament. Donc l'agneau mystique, c'est le Christ sur la croix. Et son abaissement vers l'agneau veut dire qu'il accepte la croix. La Vierge Marie retient son fils car elle veut le sauver du supplice. Et Sainte Anne est une espèce de figure un peu bouddhique au sourire serein qui contemple le plan général de la rédemption et qui retient parfois, c'est un jeu de mouvement et de rétention, qui retient sa fille Marie pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que la croix permette de fonder l'ère de la grâce et du baptême. Donc voilà le sens théologique et qui était perçu par les contemporains de Léonard. Et j'ajoute que sur le carton de Londres, donc, qui était la première esquisse de ce tableau, il n'y a pas d'agneau. Il y a la Vierge et Sainte Anne qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, font deux visages en miroir, en double un peu. Et puis, il y a Jean-Baptiste et l'enfant qui, eux aussi, font deux bébés en miroir. Il y a souvent des jeux de regards qui se regardent à l'intérieur du tableau de Léonard qui fait que le double spéculaire s'introduit même dans l'ordre de sa composition. C'est-à-dire que ce soit le regard qui nous regarde, nous, spectateurs, comme avec la Joconde ou Saint Jean-Baptiste, par exemple, ou là, dans ce tableau, la Vierge qui regarde son enfant, qui regarde sa mère. Voilà, exactement. On peut se demander qui regarde l'agneau, d'ailleurs, aussi. Ouais. Mais puisqu'il se substitue à Jean-Baptiste... Tout est dans le regard, dans ce tableau. Le mouvement est dans le regard. Oui, dans le regard et dans le mouvement. C'est-à-dire que mais le mouvement, chez Léonard, c'est toujours celui du don, de l'offrande. C'est-à-dire, c'est de la même façon que le dessin apparaît à partir d'un magma de traits. C'est très frappant. La première esquisse que nous ayons de ce tableau, elle est pratiquement illisible. C'est un gribouillis. Bon, c'est un nœud. Vous savez qu'il faisait des nœuds d'une science extraordinaire. Il avait fait des dessins de nœuds que Dürer a copiés. L'univers, la vie est un nœud infini, si vous voulez. Et il faut le dessin est une espèce de d'enchevêtrement de lignes duquel va naître peu à peu la forme. Si bien que le mouvement, c'est toujours ce mouvement chez Léonard. C'est une forme qui est comme une sorte de double spéculaire qui sort des ténèbres, c'est tout le sens du sfumato chez Léonard, et qui sourit, parce que quand c'est un visage qui se donne. D'ailleurs, le sourire lui-même est spéculaire. Hein. Si je souris, c'est très difficile de pas sourire à un visage qui vous sourit. Si je regarde, c'est très difficile de pas regarder. Ce sont des phénomènes de symétrie, de double, qui hantent l'imaginaire de Léonard, qui est tout entier dans ce monde du stade du miroir, on peut dire. Et donc, pourquoi elle sourit? Parce que c'est un mouvement qui... Elle s'avance vers vous. Et alors là, ce mouvement maternel d'offrande ou d'amour, de d'étreinte avec les bras qui se tendent, est particulièrement sensible dans la Sainte Anne. Alors on a insisté sur la dimension théologique, il y a deux autres dimensions qu'on va explorer ensemble ce matin Jacques Derrula, la dimension plus biologique, je parlais du mystère de la vie en début d'émission, cette vie elle est aussi biologique, et puis il y a aussi une dimension plus philosophique qu'on explorera ensemble. Voici, pour bien trancher avec la dimension théologique, une dissection de cadavre à laquelle s'adonnait Vinci, et l'horreur que suscite cette dissection chez la mère supérieure de l'hôpital. Écoutez, c'était une fiction diffusée sur France Culture en 1987. C'est horrible, monsieur l'archiac. Regardez, cet homme est mort, il y a un jour à peine. Sir Léonard a tellement insisté. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi répugnant. La poitrine est ouverte, les viscères mis à nu. Que cherchez-vous, maître Léonard? Il vous serait difficile de comprendre. Je sais bien que vous êtes en quête de l'âme des trépassés. Vous espérez la trouver dans le cœur, au fond des entrailles. Votre art dégoûtant est inutile. Pour les morts, sans doute. Mais il profitera aux vivants. Il me serait difficile de vous suivre dans cette voie dangereuse, Sir Léonard. Toutefois, madame la prieure, je vous demande de réfléchir. Il s'agit de cadavres que nous aurions jetés dans la fosse commune. Et maître Léonard donne à l'hôpital un ducat pour chaque dépouille. Je vous avais défendu expressément de livrer à maître Léonard le corps de cette femme. Morte au 6e mois de grossesse. Et il l'a payé le double, madame la prieure. C'est affreux. L'horreur me glace le sang dans les veines. Couvrez le cadavre, je vous dis. Ce n'est pas un spectacle pour vous. Moi-même, malgré l'amour que je porte à la connaissance du corps humain, j'en suis rebuté. Mais il était nécessaire que je puisse connaître comment le fœtus se comporte dans la cavité intra-utérine. Et pour le savoir, je n'avais pas d'autre possibilité que sectionner le corps de cette femme. Comment pouvez-vous passer les heures de nuit en compagnie de ces corps mutilés, écorchés et horribles à voir? Le désir de connaître, madame. Vous profitez de la situation, maître Léonard. Vous procurez des dépouilles à bas prix. Un ducat par cadavre. C'est donné. Un ducat ou deux, cela m'est égal. Je ne veux plus rien savoir de vos agissements diaboliques. J'ai compris. Au lieu d'un ducat, je vous en paierai deux. Deux ducats et demi. Et placez une nouvelle serrure à la porte. Moi, j'ignore tout. Vous aurez peut-être reconnu Michel Bouquet dans le rôle de Léonard de Vinci. Alors, Jacques Derrula, comment s'agence dans le travail de Vinci l'importance, l'intérêt, ou peut-être l'obligation hein, même de ce domaine théologique que nous venons d'évoquer, et la fascination et l'expertise même pour l'anatomie de Vinci, qui donc n'hésite pas à découper des cadavres de femmes enceintes pour pouvoir connaître encore mieux le réseau des veines que compose le corps humain. Oui, effectivement, s'il y a un mystère organique qui le fascine, c'est bien celui de la conception, de la fécondation et de la naissance. Au fond, c'est un point parmi d'autres, qui nous permet de dire que Léonard est aristotélicien. C'est-à-dire que le dessin, pour lui, est un instrument de connaissance. Je crois d'ailleurs que dans les études de médecine, encore aujourd'hui, je crois que ce sont les seules études où pour comprendre la disposition d'un organisme, on apprend à le dessiner. Je ne sais pas s'ils font toujours des dessins, mais ça se faisait il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'on suppose que la main doit... Parce que le dessin est intelligent, c'est pas simplement une imitation mécanique, mais il faut comprendre la disposition des choses pour arriver à rendre le relief et la superposition des organes. Donc, pour Léonard, le dessin, ces admirables dessins de Léonard, qui sont parfois magiques, véritablement, on se demande comment une telle perfection est possible, les dessins de Léonard sont des instruments de connaissance, que ce soit pour l'anatomie, mais ou pour la nature, la façon dont les feuilles poussent sur les arbres, il a beaucoup réfléchi à ça, ou la façon des tourbillons d'eau. Vous savez qu'il avait conçu il y a au moins 100 pages du traité d'hydraulique de Léonard, il était fasciné par l'eau qui pour lui est la matrice, enfin l'origine de toute vie. Il avait d'ailleurs dessiné un plan pour l'irrigation des plaines en Toscane, justement, pour montrer comment l'eau pouvait être déployée dans un secteur assez vaste. Avec Machiavel, il avait, c'était l'assèchement des marais Pompéi, il avait inventé des machines qui, comme toutes les machines de Léonard, sont fascinantes, merveilleuses, mais totalement irréalisables. Bon, il a évidemment jamais asséché ses marais Pompéi, même aujourd'hui, ça serait un travail technique tout à fait colossal. Mais je reviens à l'anatomie. Donc je dis que c'est la connaissance, c'est pas simplement, si vous voulez, Vous avez des corps blessés ou sur certains tableaux, j'en ai pas à l'esprit, mais qui peuvent être horribles. C'est pas du tout l'effet que cherche Léonard. Il y a une légende de Léonard un peu comme un Faust maléfique qui aurait signé un pacte avec le diable, qui est le Léonard de Goethe, romantique, et qui n'a rien à voir avec le vrai Léonard. Léonard n'est pas du tout un magicien, il est un peu magicien, oui, mais pas du tout un magicien nécromancien, je veux dire. C'est un courtisan. C'est l'homme du livre de Balthazar Castiglione, Il Corteggiano, le courtisan qui définit l'idéal courtisan. Et Léonard est l'incarnation la plus magnifique, on peut dire, tous les contemporains le disaient, de cette perfection de sorte de nonchalance, d'un talent époustouflant, de l'art d'être à l'aise avec tout le monde, de trouver de la grâce, la grâce innée, si vous voulez. C'est comme ça qu'on parlait de lui à l'époque. Donc, dans l'extrait que nous venons d'entendre, dans la reconstitution que nous venons d'entendre, on joue un peu sur le côté interdit par l'Église de la dissection, sur l'horreur du cadavre. Léonard est tellement curieux de savoir qu'il ne voit pas cette horreur. Et comme le dit Aristote, hein, dans la poétique, à un moment, on dit, mais à quoi bon dessiner des cadavres, justement, des animaux dépecés? Eh bien, c'est parce que comme ça, on apprend à les connaître. Et on oublie, on ne voit plus l'horreur, mais on est attentif au mystère de la vie. Et la preuve de cela, d'ailleurs, c'est que ces dessins d'anatomie de Léonard sont extraordinaires. Absolument extraordinaire. D'abord parce que c'est très simple, il suffit de mettre un dessin d'anatomie de la fin du XVe siècle, enfin, pratiquement contemporain de Léonard, à côté des dessins de Léonard, mais il y a un saut de c'est invraisemblable. C'est une autre, c'était une espèce de schéma, des planches en bois, des estampes en bois, avec des dessins extrêmement rudimentaires. Là, on a des dessins d'un raffinement absolument inouï, comme si on avait... En quelques années, on avait sauté 3 siècles. Bon, non, rien que par cela, ces dessins sont presque incompréhensibles. Et par ailleurs, ces dessins qui semblent très précis, très réels, si on les regarde bien, alors bien sûr, les anatomistes aujourd'hui trouvent des tas d'erreurs, bien qu'ils reconnaissent parfois que certains sont extraordinairement justes, mais ces dessins ne sont pas ce qu'il avait sous les yeux. C'est-à-dire, ce qu'il avait sous les yeux, c'était effectivement la dissection plus ou moins bien faite. Et comme il le dit d'ailleurs, j'ai dû disséquer des trentaines de cadavres horribles avant. Et chaque dessin est une synthèse de plusieurs dissections. Et c'est à la fois des dessins qui sont réalistes et intelligibles. Donc c'est pas que de l'observation. Mais non. Il y a des théories médicales, par exemple dans la coupe l'anatomie de la femme, où on voit les organes génitaux et l'utérus. Il se trompe complètement. Mais il y a toute une théorie de la fécondation et de la conception et du développement de l'embryon dans le ventre. On fait quand même le lien avec l'extrait qui a ouvert l'émission sur le fait que ce soit un bâtard. Sans forcément faire du biographisme, on commence avec l'origine même de sa naissance, à savoir que le mec est un bâtard, et après vous n'arrêtez pas de dire qu'il est obsédé par la fécondation, par la reproduction. Oui. Mais je me permettrai de dire que, à ma connaissance, du moins, je ne suis pas un bâtard, et je trouve que le mystère de la naissance est quelque chose d'assez considérable. Il nous concerne tous, comme la mort. Et puis en plus, c'est quand même un mystère qui a rapport à la peinture, surtout. Ouais. Parce que d'abord, il y a une toile blanche, et puis, au bout d'un certain moment, il y a un visage qui sourit, qui vous regarde. Bon, c'est quand même tout à fait fascinant, cette naissance du dessin depuis le rien. Depuis l'incomponimento inculto, comme il dit. Il y a un chaos, il y a des ténèbres, c'est ça le sfumato. C'est pour ça le sfumato, c'est cette espèce de bain d'ombre qui a beaucoup étonné les contemporains, parce que avant on délinait les formes avec un trait. Et Léonard ne veut plus d'un trait. Un corps, c'est une forme qui est rayonnante dans son bain de lumière, si vous voulez, pour Léonard. Et le sfumato permet de rendre compte. Il suffit de penser au Saint-Jean-Baptiste, le dernier tableau du Louvre, il y avait un autre tableau aussi qui représentait l'ange de l'Annonciation tel que le voit la Vierge. De même que Antonello da Messine avait peint la Vierge tel que le voit l'ange, d'ailleurs, dans un tableau magnifique qui se trouve au musée de Palerme. Et Antonello da Messine, Léonard le connaissait, c'est lui qui avait introduit la manière flamande en Italie, mais à la cour de Naples. Donc, Le Saint-Jean-Baptiste du Louvre, il émerge, il sort de la nuit, si vous voulez. Et le sfumato permet de rendre compte de cette naissance. Tout est naissance, tout est forme en gestation, en transformation, en métamorphose. C'est une œuvre en perpétuel devenir. C'est pour ça qu'il n'achève pas. C'est toujours en train d'apparaître, finalement. Alors comment cet intérêt pour l'anatomie humaine se manifeste-t-il dans le tableau de la Sainte-Anne, Jacques Dariula? Alors, je crois pas du tout qu'il faille chercher dans les dessins d'anatomie de Léonard des œuvres préparatoires à des tableaux. Il se pensait ingénieur, fondeur, il a fabriqué des armes, il a dessiné des fortifications. C'était un homme de cour et il devait être expert dans toutes les ce que pouvait lui demander le prince, des costumes de fête, une partie considérable et qui est entièrement perdue de l'œuvre de Léonard. Ce sont des déguisements pour des carnavals, pour des fêtes, comme on les faisait, comme Florence adorait ce genre de fête, il y en avait tout le temps. Et comme ça coûtait pas cher, vous comprenez, construire un monument en pierre, c'est cher, mais le faire en carton avec du plâtre, c'est pas... Donc ça a permis à Léonard de faire sans doute des masques, des armures fantastiques, des édifices fantastiques, je veux dire fantastiques de fantaisie, absolument éblouissants. Il est bien dommage qu'on les ait perdus. Donc, quand il fait des dessins d'anatomie, ça n'est pas pour un tableau, c'est pour connaître. Je dirais plutôt, il fait des dessins d'anatomie parce qu'il interroge le mystère de la vie, et il fait la Sainte-Anne parce qu'il interroge le mystère de l'Immaculée Conception, et aussi le mystère de la naissance et de la vie. Ce sont toujours des modes de connaissance du mystère fondamental qui est comment une existence vient-elle au monde. Alors écoutez-le, laissons-lui la parole puisqu'il est l'auteur de nombreux carnets encore disponibles aujourd'hui dans lesquels il couche ses réflexions disons plus théoriques quant à sa pratique artistique. Écoutez-le montrer que pour lui, art et science vont quand même de pair. Toi qui juges préférable de voir faire l'anatomie plutôt que de voir les dessins, tu aurais raison s'il t'était possible de voir réellement tout ce que ces dessins te montrent en une seule image. Avec tout ton génie, tu ne reconnaîtras dans l'objet que quelques veines. Tandis que moi, pour en avoir vraie et pleine connaissance, j'ai disséqué jusqu'ici plus de 10 corps humains, séparant les membres, détachant en minuscules parties toutes les chairs qui se trouvaient autour de telle ou telle veine, sans répandre de sang, sinon celui presque insignifiant des veines capillaires. Mais si tu avais le goût de cette besogne, il te manquera le bon dessin capable de représenter tous les détails. Si tu as le bon dessin, auras-tu la perspective? Auras-tu aussi l'ordre de la démonstration géométrique et le calcul des forces et du comportement des muscles? Enfin, il te manquera sans doute la patience. Si moi je possède tous ces dons nécessaires, les 120 volumes que j'ai composés l'affirment. Pour les faire, je ne me suis laissé arrêter ni par un souci d'économie, ni par la hâte, mais seulement par le temps. De la théologie à l'anatomie, à la pratique artistique, un même souci, une même préoccupation, curiosité quant à la fécondation, la reproduction de la vie, Jacques Dariula. Je me permets de préciser que la musique que vous avez entendue qui accompagnait ce texte a été composée par Léonard de Vinci, qui était aussi compositeur. Paraît-il, Jacques Dariula, que n'a-t-il pas fait? En fait, c'est plutôt ça la question. Il faisait tout. Oui, il faisait tout. Ça n'existe plus aujourd'hui. Lorsqu'il est arrivé à Milan pour se présenter à la cour des Sforza, au moment où il quitte Florence, eh bien, il avait fabriqué un luth qui était fait en argent, qui était un crâne de cheval, parce que le duc de Milan était un passionné de cheval. Et il jouait lui-même. Alors peut-être que c'est pour ce luth qu'il a composé cette musique, je ne sais pas. Bon, cela dit, nous connaissons des musiques peut-être plus bouleversantes et ça n'est peut-être pas le plus grand talent de Léonard. Oui, c'est comme pour Rousseau ou pour Nietzsche, par exemple, qu'on connaît plus comme philosophe que comme musicien. Puisque je parle de philosophe, justement, vous avez rapidement évoqué tout à l'heure le nom d'Aristote. en l'appliquant au travail de Vinci ou à la pensée de Vinci. Vinci, si on essaie de le faire vivre parmi les philosophes, il est plutôt associé au milieu néoplatonicien, à savoir qu'il y a une idée, enfin le tableau, l'art serait au service d'une idée qui n'est pas de l'ordre du visible, qui n'est pas de ce monde et qui est l'intelligible, qui est quelque chose que l'on peut atteindre par la connaissance. Et vous dites non, Léonard de Vinci serait plus aristotélicien que platonicien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, d'abord, quand on lit les carnets, petite remarque incidente, cette œuvre est considérable, c'est une des œuvres les plus riches sur la Renaissance, et nous n'avons pas encore une édition complète, critique et savante des carnets. L'appel est lancé. Ça ferait peut-être 30 volumes. Bon, ça serait une tâche énorme, mais c'est regrettable qu'elle n'ait pas été faite, parce que c'est quand même une œuvre absolument fondamentale. Et si vous voyez les carnets tels qu'ils ont été publiés, eh bien, Aristote est cité très souvent, une dizaine de fois, je crois, alors que Platon, presque jamais. Épicure est cité aussi rarement. Et on voit bien, par exemple, dans son intérêt pour les tourbillons, pour l'eau, ça fait penser à Lucrèce ou à Archimède, donc à toute une tradition tourbillonnaire et du clinamen, des atomistes, même s'il n'est pas question, il parle pas de Démocrite, ne serait-ce que par ce jeu de référence, on voit bien que Léonard se situe plutôt de ce côté-là. Alors, vous avez raison, dès son vivant ou dès après sa mort, on a eu tendance à le rattacher, parce que c'était la culture aristocratique, si vous voulez, de l'époque, à un certain néoplatonisme. Et par exemple, sur la fresque de l'école d'Athènes, par Raphaël, vous savez qu'au centre, il y a Aristote et Platon. Aristote tient l'éthique à Nicomaque et Platon tient le Timée. Et Raphaël, dans l'école d'Athènes, donc, donne à Platon le visage de Léonard de Vinci. Il y a, ah oui. On trouve également Euclide, c'est Bramante, et puis Héraclite, c'est Michel-Ange, ce qui était un lieu commun à l'époque. Il y a aussi une fresque de Bramante qui se trouve au château des Sforza à Milan, où Léonard est Héraclite. Et Bramante se donne le visage de Démocrite, Démocrite qui rit, Héraclite qui pleure. Héraclite, Aristote, ce sont des philosophes de la nature en devenir, en perpétuel mouvement. Et oui, j'ai parlé tout à l'heure du dessin comme technique de connaissance de la formation des corps vivants. Et ça, c'est une idée qu'on trouve aussi chez Aristote. On pratiquait beaucoup de dissection au lycée, dans l'Antiquité, dans le centre d'études qu'avait fondé Aristote. Et puis alors, par ailleurs, il y a un matérialisme, c'est pas du tout un idéaliste, Léonard. Il y a un matérialisme en ce sens où la Terre est un grand animal vivant. Et il faudra en parler à propos du paysage de la Sainte-Anne, et qui est parcouru de mouvements, de tourbillons furieux, qui est en perpétuelle métamorphose. Ça, c'est Aristote, la pensée du vivant, d'une nature qui sans cesse se métamorphose, c'est beaucoup plus Aristote que Platon. Mais absolument, c'est pas du tout un monde d'idées. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont les corps se naissent les uns des autres, j'allais dire se métamorphosent presque les uns des autres, en une sorte de symbiose vivante, complexe, mais dont qu'il a étudié avec une exactitude scientifique qui est étonnante encore aujourd'hui. Quand vous lisez, par exemple, les au moins 100 pages de son traité d'hydraulique, il y a bien sûr des erreurs, mais on est étonné de la rigueur et il n'y a aucune légende. Il se laisse pas du tout entraîner par ses rêves. Il a un œil qui observe, pour observer les tourbillons, c'est quand même pas si facile, ça se défait rapidement. Et il est très très attentif au moindre détail du sensible. Il part toujours de l'expérience, autre trait aristotélicien. Il ne cesse de dire dans ses carnets, commence par l'expérience. Il faut penser, le jugement vient toujours après l'expérience. Il a un œil fabuleux, évidemment, c'est-à-dire qu'il a le sens des singularités les plus extrêmes, les petits jaillissements de l'eau, les rebondissements de l'eau lorsqu'elle tombe, lorsqu'il y a percussion, comme il dit, de l'eau sur l'eau, qui sont tout à fait... C'est étonnant, c'est très moderne, en fait. Alors comment vous le voyez, ça, dans le tableau de la Sainte-Anne, si on y revient un instant, justement. Écoutez, la perpétuation du mouvement, les taux, l'attention aux détails, etc. Essayez de nous décrire. Alors, le mouvement de génération, on le voit dans les corps. On l'a dit, le sens théologique. Mais ces corps sont non seulement emboîtés, mais non pas comme des poupées russes. Vous savez que les premières figurations, il y a un très beau tableau de Masaccio du milieu du XVe siècle qui montre Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant. Et donc la Trinité humanissima, comme on disait à l'époque. La Sainte Anne est grande figure colossale et hiératique. La Vierge est inscrite à l'intérieur et l'enfant est exactement comme des poupées russes qui sont, par généalogie, comme les germes emboîtés, comme on dira à l'âge baroque. Et Léonard a complètement transformé la figure en lui donnant un mouvement. Donc c'est plus que vraiment c'est une descente vers la croix, c'est-à-dire vers le sacrifice de l'agneau, et c'est quelque chose de vivant, d'ondoyant. On dit parfois que ce tableau est construit en pyramide, oui. La fameuse composition en pyramidale de Raphaël. Non, c'est une spirale, c'est une pyramide qui est tournoyante et qui est vivante. Et puis, donc c'est déjà la vie, si vous voulez, qui est en train de s'enfanter, de se déduire de génération en génération. Et puis, il y a deux choses dans ce tableau. Il y a le paysage du fond, qui est assez coupé d'ailleurs de la terre brune. Il faut dire que l'arbre, par exemple, est brun foncé, c'est parce que il était vert. Hein, le pigment a complètement, s'est complètement transformé avec le temps. Léonard faisant des mixtures invraisemblables pour ses couleurs, qui le plus souvent ont mal tourné. Donc il y a ce paysage vaporeux, nuageux, fantastique au fond. Et puis il y a aussi au pied de Sainte-Anne, tout en bas, il y a un rocher qui est peint avec énormément de soin et dans lequel l'eau passe. Alors parlons d'abord du paysage supérieur. On ne sait pas si c'est des nuages ou des montagnes. Je crois que c'est Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer qui dit, il a une formule extraordinaire, il dit « Rien ne change autant qu'un nuage, sinon un rocher ». Bon, c'est vrai que les rochers dans les montagnes, on voit toujours apparaître des figures. Hein. C'est un lieu de métamorphose, c'est un objet de métamorphose, comme les nuages. Et ici, et vous savez que Léonard disait, c'est capital de tout ce qu'on a dit auparavant, que pour stimuler le génie ingenio du peintre, il fallait qu'il regarde les taches d'humidité sur les murs de l'atelier et qu'il verrait apparaître des visages, des paysages. Donc toujours pareil, c'est toujours de la matrice informe née l'image. Hein. C'est ce que Kant appellera plus tard le schématisme sans concept. Bon, et donc alors, ce sont des nuages, des montagnes nuageuses ou des nuages rocheux, je ne sais pas. Ce qui est frappant dans ces paysages, dans celui-là et celui qui est dans le fond de la Joconde, qui se ressemble étonnamment, c'est qu'il y a pratiquement pas de présence humaine. Alors on a trouvé un petit village au fond de la Joconde. Ici il y a un pont, mais Léonard était persuadé que le sang de la terre c'était l'eau. Et que l'eau parcourait la terre souterrainement, ce qui expliquait, selon lui, pourquoi il y avait c'est très important pour la théorie des fossiles, il y avait des lacs en haut des montagnes, parce que parfois une veine claque et l'eau arrive, mais l'eau est partout. D'où le lac au sommet d'une montagne dans le paysage à l'arrière-fond de la Joconde. Exactement. Parce que, qui paraît incohérent aujourd'hui. Oui, y a des lacs dans les montagnes, mais bon. Pas au sommet. Pas au sommet, oui. Mais comme la terre était irriguée, mais peut-être qu'à l'époque, Jean Blanc en a parlé avant nous. Mais la terre était irriguée d'un réseau de veines dans lesquelles coulait l'eau, qui est la liqueur de la vie absolue pour Léonard. Et parfois ça claquait, ça ouvrait des cavernes. Ces fameuses la Vierge au rocher et dans la caverne qui a été pratiquée par une ouverture de l'eau et c'est un lieu de la conception immaculée naturelle en tout cas très matérielle. Si la matière est une tache alors elle n'est pas du tout immaculée. C'est cette conception chez Léonard. Et alors ces paysages ils sont quand même il y a pratiquement pas d'architecture même si on a pu trouver avec la restauration des petits détails humains. Moi je les vois comme la terre à l'origine des temps avant que l'homme n'ait encore été créé. C'est une terre encore nébuleuse, c'est le magma de la terre qui est une en gésine pour ainsi dire de tout l'avenir et c'est la matière en travail qui va donner lieu à toute la terre, à toute la terre étant la mer, alors encore plus que Satan, c'est la déesse mère, c'est la mère universelle. C'est le quatrième personnage du tableau, enfin le cinquième. Exactement, on pourrait dire que voilà que ouais. la mère de Satan, c'est la terre dans les tout premiers temps de la création. Et alors, il y a un détail qui m'a frappé et que j'ai découvert récemment. En dessous, dans la partie inférieure du tableau, il y a ce rocher, tout près du pied de Sainte-Anne, on voit des petits galets qui sont arrondis parce qu'ils ont été roulés par le flux du fleuve. L'eau est peinte avec une finesse extraordinaire. On la voit à peine sur les reproductions, mais il y a des légères irisations qui fait deviner une mince pellicule d'eau. Donc c'est le rocher, c'est de la terre sédimentée. L'eau travaille le rocher et c'est ainsi, je rappelle que l'eau est le sang de la terre, c'est ainsi que par une série de formations quasi alchimiques, la vie va naître. Et ce tableau, Sainte-Anne, a été restauré de façon absolument remarquable et a fait apparaître des choses qu'on ne voyait pas auparavant en 2012. Et on peut très bien voir un gros caillou qui est à côté du pied de Sainte-Anne. Et si on le regarde de très près, mais il faut regarder de très près, on voit que des vers, des formes, des créatures vermiformes sont en train d'apparaître et enroulent ce caillou, comme si c'était le commencement du premier organisme, si vous voulez, né du mariage, des noces de la terre et de l'eau. Et le feu qui est dans la terre, toujours, les quatre éléments sont sans cesse mêlés. Oui. Et si vous regardez d'encore un peu plus près, peut-être y verrez-vous un vautour. C'est en tout cas l'hypothèse que Freud formule dans un texte qu'il écrit sur ce tableau de Léonard de Vinci. Écoutez-le, lu par Vincent Schmitt. Une seule et unique fois, autant que je sache, Léonard a inséré dans un de ses écrits scientifiques une indication sur son enfance. À un endroit qui traite du vol du vautour, il s'interrompt soudain pour suivre un souvenir qui surgit en lui du fond de ses toutes premières années. Il semble qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il me vient à l'esprit comme tout premier souvenir qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et, à plusieurs reprises, a heurté mes lèvres de cette même queue. Un souvenir d'enfance, donc, et à vrai dire d'un caractère hautement déconcertant. Déconcertant de par son contenu et de par la période de la vie où il se trouve placé. Qu'un être puisse conserver un souvenir du temps où il était nourrisson n'est peut-être pas impossible, mais cela ne peut en rien être tenu pour assuré. Cette scène avec le vautour ne doit donc pas être un souvenir de Léonard, mais une fantaisie qu'il s'est formée par la suite et qu'il a reportée dans son enfance. À scruter un peu profondément la Sainte-Anne en tierce, Sainte-Anne avec Marie et l'enfant Jésus, celui qui le contemple est envahi comme par une soudaine révélation. Seul Léonard pouvait peindre ce tableau, parce que lui seul pouvait composer la fantaisie du vautour. Dans ce tableau s'inscrit la synthèse de son histoire d'enfance. Les détails de ce tableau s'expliquent par les impressions les plus personnelles de la vie de Léonard. Nous avons donc Jacques Darula, Freud, qui lit les carnets de Léonard, dans lesquels il trouve quelques lignes où Léonard raconte un rêve qu'il aurait eu étant nourrisson d'un vautour qui vient jusqu'à lui, lui ouvre la bouche et de sa queue heurte ses lèvres de cette même queue, un souvenir d'enfance donc. Et Freud, regardant le tableau de la Sainte-Anne que nous commentons aujourd'hui, se dit « mais oui, il y a un lien entre ce rêve et ce tableau ». Quel est ce lien, Jacques Darula? Est-ce qu'il voit un vautour dans ce tableau? Alors, l'essai de Freud est de 1910, il est plein d'intuitions qui sont justes, mais il repose sur une énorme erreur, évidemment. Il fait toute son interprétation sur ce passage que nous venons d'entendre. Et comme il utilisait une traduction allemande des carnets, il pense que c'est un vautour. Dans le texte italien, c'est Nibbio. Nibbio, c'est le Milan. Mmh. Et si Léonard s'est intéressé au Milan, c'est parce que pour lui, le Milan est un oiseau acrobate qui est particulièrement maître de son vol, et en particulier par sa queue, qu'il compare au gouvernail d'un navire et qui lui permet de faire toutes les acrobaties possibles dans l'air. Évidemment, la forme vue par Oscar Pfister dans ce tableau, qu'on pourrait penser être semblable à un vautour, n'a rien à voir avec un Milan, qui est ce à quoi pensait Léonard. Donc, il voit la forme de cet oiseau dans le corps. Non, ça, dans la. Vous voyez ici, c'est la robe de Marie avec ce pli très étrange d'ailleurs, qui est apparu peu à peu dans les diverses esquisses et qui donne une espèce de mouvement ondoyant et étrange à la robe de Marie. Et ici, voilà la tête du vautour, son long cou et puis la queue qui est ici, qui va dans la bouche de la mère à la bouche de l'enfant, et puis ça serait son corps ici. Enfin, il faut un peu d'imagination. Bon, c'est le jeu du dessin caché. Oui. En tout cas, si l'on peut, avec beaucoup de bonne volonté, admettre qu'il y a ici quelque chose qui ressemble vaguement à la forme d'un vautour, ça ne ressemble pas du tout à un Milan. Non. Et comme le texte sur lequel se basait Freud parlait d'un Milan, eh bien toute l'idée, l'argumentation de l'essai de Freud s'effondre. C'est Meyer Shapiro, autour de 1950, qui a publié un article, Freud et Léonard, qui a mis en évidence cette erreur, qui d'ailleurs était connue auparavant, mais les psychanalystes n'insistaient pas trop sur ce point. Faut-il rejeter le texte de Freud pour autant? Et par ailleurs, la queue dans la bouche, alors évidemment, il démarre à 100 à l'heure, la queue dans la bouche, Freud, c'est tout de suite une fellation. Non, il y a beaucoup de textes littéraires. Léonard écrit souvent des textes littéraires pour introduire. Il était un peu gêné d'être uomo senza lettere, un homme sans lettres. Il était avec des savants très, très prestigieux à la cour. Donc il se lance dans des morceaux littéraires. On trouve la même chose d'ailleurs pour le traité sur l'eau, pour introduire son essai. Et en fait, Léonard voulait écrire un traité sur le vol. Il voulait pas faire des machines volantes, comme on dit. Il ne veut pas du tout faire un avion. Il voulait ni un hélicoptère. Il voulait faire un oiseau mécanique, un machin qui battait des ailes, comme toujours. Il a fait des maquettes extraordinaires qui, bien sûr, ne voleront jamais. Comme toutes les machines de Léonard, elles sont magnifiques, mais elles sont totalement inefficaces. Et c'est pour ça qu'il s'intéressait au Milan, parce que c'était le meilleur des acrobates. Et pour commencer son traité, il prend simplement une figure de rhétorique qui est très répandue. On dit que, par exemple, une fois, Platon dormait enfant et que les abeilles ont venu mettre du miel sur ses lèvres. Eh bien, de la même façon, le Milan, en frappant de sa queue, qui est l'organe directeur de son vol, les lèvres de Léonard, l'a destiné à être le savant du vol, celui qui allait percer l'émissaire des vols des oiseaux. Donc c'est convaincant pour vous. C'est une figure ultra. Ah oui, absolument. Bon, c'est ça, je suis tout à fait. Je suis Shapiro totalement. C'est une forme même un peu lourdement littéraire. D'autant plus que c'est pas le seul exemple chez Léonard. On en voit plein de. Il s'essaie à faire un peu comme un bon élève qui veut faire sa dissertation selon les règles rhétoriques de l'époque. Oui, non, ça, la queue dans la bouche, vraiment, c'est un délire. Bon. Mais ce que Freud a très bien ressenti, et qui est juste, et c'est un peu regrettable que l'essai de Shapiro, qui est assez brutal, ait liquidé Freud dans le monde des historiens d'art qui ont pensé que la psychanalyse n'avait plus aucun intérêt et que c'était des gens qui disaient n'importe quoi, donc il fallait plus s'en occuper. S'il y a quand même un peintre qui tente le psychanalyse, c'est bien Léonard. Parce qu'on a assez dit que ces figures ressemblent à des figures de rêve, qu'ils sortent d'un espèce de monde onirique, fantastique, où ce jeu de miroir, de double, cette espèce d'atmosphère de songe permanent qu'il y a chez Léonard, bien sûr, ne peut que tenter un analyste. Et Freud dit des choses, par exemple, sur la fusion des corps de la mère et de la fille. Il écrit des fort belles pages. Et sur le sourire de Léonard, sur son sens, ce que nous avons dit lorsque nous avons souligné l'aspect aristotélicien de Léonard, Freud y est aussi très sensible. Après tout, il y a des très grands historiens d'art. Kenneth Clark a publié un magnifique Léonard de Vinci avant la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il prononce le plus grand éloge de Freud. Mais Freud sera ostracisé à partir de 1950, quand tout le monde aura lu l'article de Shapiro. Alors que, je répète, on le savait bien avant qu'il y avait une erreur de traduction. Mais dans quelle mesure, pour Vinci, la peinture était la langage? Ouf! C'était la question que vous avez, la question fatale, vous avez réservé pour la fin. Ça n'est pas un langage. Ça n'est pas un langage. C'est au langage à travailler, à tisser un jeu d'associations et de relations de concepts autour de cette énigme. C'est l'énigme centrale qui nous fait parler. Mais ça n'est pas un langage, justement. C'est une mode un peu de dire que tout art, l'art de la Renaissance italienne est surtout rhétorique. Je ne crois pas chez Léonard. C'est ce qui fait sa magie. C'est qu'il arrive à faire apparaître de façon comme onirique un mystère qui est en deçà du langage, de même que ces montagnes sont en deçà, presque en deçà de la création, au tout début des premiers temps, avant que les mots aient vibré dans l'air. Et tous ces carnets qu'il écrit, ça c'est du langage, et c'est énorme, tout ce qu'il a, c'est la partie plus importante de son œuvre, celle à laquelle il a passé le plus de temps. Mais c'est tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut tisser autour de ce point aveugle du mystère de la conception et de la fécondation. Le langage est du côté de celui qui en parle, en tout cas. Oui, pas du peintre. Et c'est le, vous savez, il y a une vieille, ça vient de Simonide dans l'Antiquité, la peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante. Et ça plaisait pas à Léonard qui trouvait que la peinture était supérieure à la poésie. Il l'a changé en disant la poésie est une peinture aveugle et la peinture est une peinture qui ouvre les yeux. Les femmes doivent être représentées avec beaucoup de retenue et de modestie dans leur air. Qu'elles aient les genoux serrés, les bras croisés ou approchés du corps et pliés, sans contrainte sur l'estomac, la tête doucement inclinée sur le côté. Les vieilles doivent paraître hardies et pleines de rage comme des furies d'enfer. Ce caractère doit se faire remarquer dans les airs de tête et l'agitation des bras plutôt que dans les mouvements des pieds. Les vieillards, lorsqu'ils sont immobiles, doivent être représentés dans une attitude paresseuse, les genoux un peu pliés, les pieds parallèles et écartés, le dos courbé, la tête penchée, les bras pas trop étendus. Merci beaucoup Jacques Darula. Merci à vous. Je renvoie à votre site internet jdarula.net. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Guillaume Ledu. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Léonard de Vinci. Demain, nous serons en compagnie de Thibaut Grèce et de Guillaume Casgrain qui viendront évoquer pour vous la Vierge au Rocher.